Chapitre 5e. À la fin d'octobre, 3 mois après la foire de Sinigalia, la Gazette de Venise publia des détails curieux sur les débordements périodiques de l'Adige. Un peintre français me proposa de faire une excursion dans le Tyrol italien. Du haut du campanile de Saint-Marc, nous regardâmes les montagnes de Belle-Une, coiffées d'un immense turban de nuages noirs. Le ciel pur de Venise avait pris un peu de pâleur, et afin que la reine des lagunes pût jouir dans son bain des douceurs de l'automne, la nature se déchaînait sur la terre ferme. J'acceptai la proposition du peintre français. Nous prîmes le chemin de fer de Padoue, et le Velocifero nous mena en 12h30. De là, nous entrâmes dans les montagnes, en évitant le cours de l'Adige, qui avait rompu la route postale. Notre excursion dura plus longtemps que nous ne l'avions prévu. Nous visitâmes le Brenner, Innsbruck, la montagne de l'Aigle, des glaciers, des châteaux construits sur des pointes de rochers. Au bout de 15 jours, nous étions revenus à Brixen, et comme l'Adige était rentré dans son lit, mon compagnon de voyage allait retenir 2 places au bureau de l'omnibus de Bolzano, tandis que j'entrais dans une birrerie. C'était le matin. Il n'y avait personne dans la grande salle. Un garçon, dont la figure ne m'était pas inconnue, nettoyait les vitres des fenêtres. Pour ne pas le distraire de son occupation, la kellnerine, parée de son tablier blanc et du portefeuille à serrure, un signe de son emploi de confiance, daigna me servir elle-même. En déposant un pot de bière devant moi, elle poussa un cri de surprise. Je reconnus la Marietta, un peu maigrie, mais toujours fraîche et jolie. « Hé, je vous croyais en Italie, » lui dis-je, « courant les fiers et avec Tampicelli, et mariée tous les soirs au roi des rames. » « Chut !» me répondit-elle, « parlez plus bas. On ignore ici que Jérénia s'érendipe. Gardez-moi le secret. L'omnibus ne part que dans 1 heure. J'aurai le temps de vous raconter mon histoire. Ah, Jésus, quelles aventures, quelles tribulations! Vous aviez bien raison de jeter de l'eau sur le feu de mon enthousiasme pour le théâtre. La faim, la fatigue, la chaleur, le dénuement, les mauvais traitements, que sais-je? J'étais un souffre-douleur pour les femmes, un pauvre gibier toujours pourchassé par les hommes. Mais, à propos, Tampicelli était un menteur, un traître, un pervers. « Calmez-vous, Maria, » dis-je en riant, « et parlez-moi vite. Si vous courez ainsi la poste, votre histoire sera difficile à comprendre. » La kellnerine prit une chaise, posa ses coudes sur la table, et après avoir mis un peu d'ordre dans ses idées, elle me fit le récit qu'on vient de lire au chapitre précédent. Et qu'est devenu, dis-je à Maria, cet honnête Francesco qui vous a sauvé des griffes du Tampicelli? Le voici là-bas, reprit-elle. En voyageant, nous avons pris de l'amitié l'un pour l'autre. Arrivé à Vérone, il nous en coûtait de nous séparer. Je l'ai engagé à venir dans le Tyrol, et quand le patron de cette birrerie m'a offert la place de kellnerine, je lui ai proposé un garçon sage et rangé dont il a accepté les services. Francesco est un bon sujet. Je l'aime un peu, et quand je l'aimerai tout à fait, nous serons bien prêts de nous marier, puisqu'on doit publier les bans la semaine prochaine. Vous voyez donc que je suis une heureuse fille, et qu'il n'y a personne sur la terre dont je puisse envier le sort. Cette conclusion me paraît d'une justesse incontestable. La voiture attelée interrompit notre conversation. Je m'embarquais pour Bolzano, Trente et Venise. Depuis lors, 6 ans se sont écoulés. Je ne sais ce que sont devenus ni la gentille tyrolienne, ni le signor Tampicelli, ni le capitaine américain. Quant au vero Giuseppe, un de mes amis qui revenait d'Italie le mois passé, l'a rencontré à Sienne dans le courant de l'été, toujours murmurant contre les plagiaires et récitant aux étrangers les mêmes mensonges, toujours vêtu de sa levite jaune mouchetée de noir, toujours s'intitulant le seul véritable Joseph. Mais n'avouant pas que sa ressemblance avec une panthère et le stigmate infligé en sa personne au combinateur par la vertu d'une petite comédienne ambulante. Ainsi s'achève la foire de Sinigalia de Paul de Musset.